Bon, faut bien faire les choses. Rester le même, jamais changer. Un nouvel album, j'arrive encore. Personne n'y arrive, augmente le tarif. La montée de somme commence au Tenerife. Personne n'y arrive, allez voler le riche. Oui, cela coulit tous, oui, à l'île Maurice. On a dû prendre des risques, vendre des disques sans maison de disques. Faut que le travail, je pas de code du travail. Personne n'y arrive car il faut que tu cavales. Make money, money, make money, money, money. Boulot, dodo, tu connais la Corée. Make money, money, make money, money, money. Boulot, dodo, tu connais la Corée. Tu connais la Corée. Tu connais la Corée. Reste sérieux. Tu connais la Corée. Même si l'industrie du risque, l'industrie, l'industrie, l'industrie du risque. L'industrie du risque, l'industrie, l'industrie, l'industrie du risque. L'industrie du risque, l'industrie, l'industrie, l'industrie du risque. Make money, money, money. Make money, money, make money, money, money. Personne n'y arrive, je vois de cancer en boîte. On sait qu'il me recale, mais je gagne que lui. N'oublie pas qu'on sera pour une meuf qui se. Ce week-end la même, oui, elle changera de lit. Juste un message différé. Je suis le rappeur préféré, ton rappeur préféré. Faut que le travail et leur charge patronale. Si je ressors un album, c'est que je m'en sors pas trop mal. Make money, money, make money, money, money. Boulot, dodo, tu connais la Corée. Make money, money, make money, money, money. Boulot, dodo, tu connais la Corée. Tu connais la Corée. Tu connais la Corée. Reste sérieux. Tu connais la Corée. Même si l'industrie du risque, l'industrie, l'industrie, l'industrie du risque.